le seul songe qui soit à la hauteur des flots, et le songe abreuvé du rire des sanglots. Un coup de sonde folle, et la mer à deux pas te dit la parabole d'un songe qui s'envole et qui ne revient pas. L'orbe n'est plus que lueur sombre à l'horizon des soirs défaits. Que reste-t-il des cieux sans nombre, des cieux sans nombre que j'aimais? J'écoute en moi le cœur du monde battre en l'eau vive du torrent. Il n'est de source si profonde que tout le ciel ne s'y confonde avec l'abîme en l'âme errant. La forêt verte se balance, on croit que le soleil est bon, et brusquement, d'un coup de lance, le ciel vous blesse jusqu'au fond. L'univers n'est que le miroir où se reflètent tes yeux pères. La mort te gagne et l'or vient choir au fond des songes que tu perds. Le monde fuit devant mes pas. L'ombre s'approche à grande allure, le jour à peine lui, tout bas. Le vent se tait dans la voilure, et le soir tombe comme un glas. Si la pâleur de ton visage emplit d'un gouffre noir la nuit, c'est que l'effroi qu'elle propage jusqu'au fond de ta propre image provient de l'âme qui la fuit. Ton pas s'enfonce dans le sable, comme tant d'autres ici-bas, à peine deux reconnaissables. Et la lumière périssable mêle à sa flamme insaisissable celle-là même de tes pas. Tout sauvetage est inutile. Les jours s'en vont sans discourir. Et le vent fou de l'immobile étoile au fond d'un ciel tranquille n'empêche l'être de mourir. Rien qui vaille de ce qui vibre dans le regard des astres morts, comment le tien, tout juste libre de voir l'abîme que tu mords. Lumière claire, en l'âme noire, que me veux-tu, frisson glacé qui désespère mon histoire, comme au revers de toute gloire, un signe au ciel de mort tracé. Où t'en vas-tu, pauvre âme en peine, dilapidée et bien perdue? Le fleuve roule dans la plaine, jusqu'en la mer qui les entraîne, les jours divins qui ne sont plus. Le flot me dit, regarde-moi. Ne suis-je pas, tout comme toi, formé d'une mouvance extrême? Ma vague est chaude quand on l'aime et que le grand soleil est roi. À tout vent, l'écume, je sème. Mais le fond de mon âme a froid. La mort est là, qui te regarde, comme si tu n'existais pas. Lorsque pauvre âme te poignarde tous les malheurs de l'ici-bas. On ne peut vivre infiniment que de souffrir malheur en soi. La nuit pullule au firmament à jamais d'astres morts de froid. Tout s'arrête. Rien ne remue. Le passé tremble entre mes doigts. L'avenir est en pleine mue. Le temps se fige dans la nuit. L'éternité n'a plus de voix. Poignard de l'heure au cœur du temps, pénètre-moi de pur outrage, ravage-moi de sombre orage, ô mort de tous les existants. Peut-être l'âme est-elle folle de se vouloir au sein de l'air pur comme est le souffle clair, et comme l'est toute parole qui va se perdre dans la mer. Tu peux mourir à mes regards, tu nais dans l'ombre taciturne où se dispersent les hasards jusqu'à la mer de toutes parts ouverte en l'âme comme une urne, que l'éclat pur d'un songe épare. Le vent déracine les arbres, plonge au profond de ton désir, brise les tombes et les marbres, ouvre le ciel à l'avenir. Ce n'est pas de croire à la mort qui t'a fait reconnaître Dieu, mais au fond de l'âme qui dort, la naissance même du feu. L'arbre surgit dans la lumière où le temps même fait son nid. Pleure, tendresse, la dernière, comme en ton âme la première larme te vient de l'infini. J'irai vers l'ombre qui m'appelle, de tout l'éclair de mon désir. Je ne te serai pas rebelle, ombre de l'ombre la plus belle, où toute l'âme d'un coup d'aile rêve d'aller s'évanouir, s'en aller vers cette autre mer où les vagues en l'air pullulent, où tout désir devient désert, où l'amour en la mort se perd, mais où le cœur en l'astre brûle. À ce point même, insaisissable, que ne retiennent mes 10 doigts de toi, sans fin, qu'un peu de sable au fond de l'onde que je bois.